Monsieur Pérol, ému, puisa pour se donner courage une double prise dans sa tabatière en écaille qui graissa. Et pendant quelques secondes, silencieusement, Madame Pérol et lui s'entre-regardèrent. Monsieur et Madame Pérol, ou comme on les appelait plus communément dans le pays, en manière d'affectueuse familiarité, Monsieur Victrice et Madame Ambroisine, étaient, dans toute la force du terme, des personnes de l'ancien temps. Bien pourtant, quoique très âgés, leur mariage s'était fait alors que Charles X vivait encore. Ils vivaient de petites rentes, de ces toutes petites rentes qui autrefois suffisaient à constituer la fortune. Pauvres au fond, ils ne s'en apercevaient pas, ayant vieilli sans se créer aucun des besoins de la société nouvelle. Ils étaient heureux, à la manière d'il y a 50 ans, dans leur maisonnette de la Grand Place, où les meubles fanaient peu à peu, les glaces lentement ternies gardaient pour eux, grâce aux souvenirs, une même et immuable fraîcheur. Seulement, à chaque retour d'avril, Madame Ambroisine, dans un haut grenier, blanchi à la chaux et transformé en magnanerie, faisait une once ou deux de verre à soie. Et quand la réussite était bonne, cela leur permettait de s'offrir quelques douceurs. L'élevage des verres à soie n'est pas considéré à Canterperterie comme un travail artisan. Et la bourgeoisie, attardée et appauvrie de ce coin de province, aime à se créer ainsi, sans croire déroger, un modeste supplément de revenus. Mais hélas, les verres à soie de Madame Ambroisine n'avaient pas réussi cette année.